Shout-il, si mauvais outil, puisque si est que ferai-je, je m'amournais de l'heure. J'ai grand désir de vous plaire, de ce ne me chante, ne soyez à moi contraire, viva qui t'assaut, rendez ma mari, je sucerai, douce dame, que ferai-je, je faire. Fais donc une saute. Volontiers vers vos vières. Ne saute pas si haut. Las, je vous aime si. Ne me plaît ainsi. Las, et que ferai-je? Je